Que ce soit pour le démarrage, l'acquisition ou le développement de votre entreprise, la SADC Maria Chapdelaine peut vous aider à réaliser vos projets. Notre équipe est là pour vous aider à valider une occasion d'affaires, faire un montage financier, rechercher du financement et même participer à ce financement dans certains cas. Contactez-nous au 276-0405 ou encore via le www.sadcmaria.qc.ca. La SADC vous rappelle l'importance de soutenir nos entreprises locales. Développement économique Canada pour les régions du Québec, appuie financièrement la SADC Maria Chapdelaine. On est aujourd'hui à Delboom-Sassigny pour la Grand Marche qui est en collaboration avec le Grand Défi Pierre Lavoie. Avec moi, j'ai le président d'honneur, Pascal Cloutier. Salut Pascal. Bonjour. Pascal, c'était vraiment important pour toi de s'impliquer? Extrêmement, extrêmement. On est dans les saines habitudes de vie. Delboom-Sassigny, on est fort. On le voit dans des activités, on organise beaucoup d'activités dans ce sens-là, on veut promouvoir ces activités-là. Fait que quand ils m'ont offert d'être président d'honneur, mais écoutez, ça allait de soi, là. C'était une évidence pour moi. Je pense que tu travailles sur une table régionale. Oui, c'est ça, une table régionale des saines habitudes de vie. Je suis représentant d'ailleurs pour la MRC. Puis c'est intéressant, ils se développent des belles idées, donc effectivement. Pascal, j'étais ici actuellement, il y a un gros dossier, c'est le dossier de la réfection de la piscine ou la nouvelle piscine. Où en est rendu présentement le dossier? Bien là, on est en appel d'offres, malgré le fait, là, on le sait, on en a parlé, que oui, il y a un dépassement de coût de 3 millions dans le projet. Ce 3 millions-là n'est pas attaché présentement final. On a eu des bonnes discussions avec M. Couillard. Évidemment, on parlait d'élections. Aujourd'hui, les élections sont faites. Mm. Donc, ça, c'est un dossier qu'il faut voir terminer. Mais le reste du dossier, là, je pense qu'au niveau des besoins, toutes les organisations ont été rencontrées. Donc là, on parle vraiment de refaire le gymnase en nœud et le gymnase neuf, ainsi qu'une piscine annexée. Donc ça va bien, mais il y a le financement qui reste. C'est important, là. Est-ce que tu crains, parce que là, Philippe Couillard est perdu, il ne sera plus notre député, est-ce que tu crains pour la suite du projet? Bien, écoutez, on verra, comme vous dites, ce que M. Couillard décidera comme député. Mais je pense qu'avec les discussions qu'on a eues, qui étaient quand même positives, moi, j'ai bon espoir là, qu'on devrait régler le dossier. Maintenant, quand on va le régler, bien, on espère que ça va être le plus vite possible pour mettre un point final sur le dossier de la piscine. 3,2 millions, c'est beaucoup d'argent, là. Oui, c'est quand même un 3 millions. Comment on va faire? Bien, écoutez, nous, les rencontres qu'on a eues, comme je vous dis, on a expliqué pourquoi qu'on a un dépassement. Ça, c'est important. C'est parce qu'on a fait des tests de sol. On s'est aperçu que c'était un ancien site de copeaux et corse. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a investigué le gymnase. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que le gymnase va être à changer. Donc, c'est pour ça qu'on arrive avec un dépassement de 3 millions. Donc, on est capable de l'expliquer, ce dépassement. OK. Mais ça l'augmente toujours année après année. Plus en retard, plus ça va coûter cher. Non, bien là, nous, avec ce qu'on a aujourd'hui, c'est que on y était en appel d'offres. OK. Et on a mis l'option. Donc, l'appel d'offres est fait en fonction de ça et en fonction éventuellement du 3 millions manquant. Là. Donc, tout ça est canné. Puis, avec, comme vous dites, avec les prix actuels, on pense vraiment qu'on est dedans. J'ai vu que vous allez demander à la population. C'est beaucoup d'argent, quoi? Oui, on parle d'environ 1 million. Un million en campagne de financement. Donc, ça, on fait affaire avec une firme, BNP Performance, qui est une firme spécialisée là-dedans. Donc, qui nous garantit que, selon des sondages qu'on fait, c'est que c'est un projet qui est vendu d'avant. Le projet de la piscine au niveau de la MRC, c'est très populaire. Donc, on pense vraiment que ça, c'est selon ce qu'eux nous ont donné. Ils ont déjà fait d'autres campagnes de financement. Ça serait positif. OK. Bien, merci beaucoup, Pascal Cloutier. Ça fait plaisir. Merci. Il y avait une grande...